En chinois, le mot étudiant se dit 学生, 学 doit le lever, 生 pour se faire coucher, 学生 pour dire étudiant. Je peux répéter 是生. Il faut dire 学生 学生 学 signifie apprendre. Donc, en réalité, on dit un apprenant. Un étudiant est quelqu'un qui apprend. Donc, « chant » à la fin du mot a le sens de quelqu'un qui fait quelque chose. « Chant », c'est aussi comme une sorte de... C'est une personne, cela signifie simplement « personne ». Donc, une personne qui apprend. C'est cela. D'accord. C'est vraiment pratique. Et nous rencontrons ce « chant » à nouveau plus tard dans d'autres mots. Alors dites-moi, je suis étudiant. Je 我 suis 是 étudiant. 学生 Comment dites-vous étudiant? 学生 Il faut dire 学 学生 学生 Chacun a sa propre manière d'apprendre 学 une manière unique. Je ne suis pas étudiant. Je ne suis pas, c'est-à-dire je ne pas être. 我不是 étudiant. 学生 Comment dites-vous ne suis pas? 不能 Non. 不是 Utilisez la trampoline ici. 不是 Je ne suis pas étudiant. 我不是学生 Traduisez maintenant. Je suis un étudiant français. Vous direz littéralement France étudiant et vous n'aurez pas besoin de traduire le 1 ici, mais dites d'abord je suis. 我是 France 法国 étudiant 学生 Je suis un étudiant français. 我是法国学生 Et maintenant, je suis un étudiant chinois, c'est-à-dire un étudiant de Chine, littéralement Chine étudiant. 我是中国学生 Je suis un étudiant chinois. 我是中国学生 Et maintenant dites-moi, il n'est pas un étudiant anglais. Vous direz littéralement, il ne pas être Angleterre étudiant. Alors traduisez d'abord, il n'est pas. 他不是 étudiant anglais 英国学生 Comment dites-vous étudiant? 学生 学生 Donc je vais reprendre ce mot encore une fois. 学生 Il n'est pas un étudiant anglais. 他不是英国 学生 Comment direz-vous? C'est mon professeur de chinois, je suis son étudiant. Donc dites d'abord, celui-ci est mon. 这是我的 professeur de chinois. 中文老师 Je suis son étudiant. 我是他的学生 Comment dites-vous professeur? 老师 Oui, 老师 Et comment dites-vous étudiant? 学生 C'est ça, 学生 C'est mon professeur de chinois, je suis son étudiant. 这是我的 中文老师, 我是他的学生。 Maintenant, traduisez-moi, qui es-tu? 你是谁? Qui es-tu? 你是谁? Je suis étudiant. 我是学生。 Je suis étudiant. 我是学生。 Je suis aussi professeur de français. Donc, vous direz d'abord, je aussi. 我也 suis 是 professeur de français. 法文 老师 Je suis aussi professeur de français. 我也是法文老师。 Alors, vous savez qu'en français, quand on dit « je suis étudiant et aussi professeur de français », nous avons une seule phrase sans interruption pour exprimer ces deux idées. Mais en chinois, ce n'est pas comme ça. Les Chinois vont faire deux phrases séparées. Donc, au lieu de dire « je suis étudiant et aussi professeur de français », on dira « je suis étudiant, je suis aussi professeur de français ». Nous avons appris « he » pour dire le « et », mais ce « et » ne peut pas être employé pour relier ces deux phrases, d'accord? Nous avons d'autres mots que nous pouvons utiliser pour dire « et ». D'accord. Mais ce n'est pas « he ». Le « he » peut seulement servir à relier deux noms, comme un livre et une table, par exemple. Bien d'accord. Pas de phrase. D'accord, je comprends. Donc, nous utilisons « he » pour dire « lui et moi ». Oui, ou on pourrait dire pour « livre et stylo ». Oui, exactement. D'accord. Par contre, pas pour dire « je suis étudiant et professeur de français ». Je comprends, c'est un emploi différent de « et » ici, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça.